Connaître le monde, ils disent connaître les gens. Thank you. dis savoir quoi faire. Maman, c'est la guerre. Pour le moment, c'est la guerre. connaître le monde, ils disent connaître les gens, ils disent savoir comment faire. Mais pour le moment c'est la guerre, oh. Ils disent connaître le monde, ils disent connaître les gens, ils disent savoir quoi faire. Mais pour le moment c'est la guerre, oh. Thank you.

branche un parti là. Je suis pas un peu. Brancher un ampli avec une sortie ligne. Donc la sortie ligne qui rentre dans ma table, on est d'accord? Vous allez me dire si je fais une connerie. Il faut que dans la table de mixage, je mets ligne, hein, je mets pas guitare parce que sinon ça va. Du coup, je suis obligé de mettre du gain. Alors je sais pas pourquoi. Micro line ou gain ou guitare. Je mets line. Non, sortie ligne de l'ampli. Non. Normalement, c'est line. Dans la table directe, elle rentre dans l'ampli et Et après, c'est un ampli qui a une sortie émulation haut-parleur. Je me rappelle plus comment j'ai branché. Apparemment, ça sort bien là, ça sature pas. Non, c'est pas mal, non? Ça a pas l'air de saturer. Blackstar HT1, hein, c'est pas mal. Trop fort le son? Non. Non, je regarde. T'as deux, une piste où il y a une synthé. Non. C'est trop bas, c'est. Fausse note. Hey, yeah, yeah, yeah. Allez Coco. Thank you. Yeah. soir. En exclusivité ce soir. En exclusivité ce soir, notre ami Coco sur la scène du Zénith de Paris. Mister Coco.